Le 1002e conte de Scheherazade, Edgar Allan Poe, extrait du recueil Dernier conte, traduction par Félix Rab, lu par Charlotte pour audiocité.net sous licence creative commons.org.